Et voilà, c'est comme ça. Il n'y a plus rien à faire pour nous. Comment ça, ça, mais c'est la faille. Il n'y a plus rien à faire pour nous. C'est trop tard, le monde est braille. Il n'y a plus rien à faire pour nous. La lune est noire et j'ai mal. Mais n'arrête jamais d'être en nous. Sodomie, stigmate sous la peau. Bouge, suis-moi quand j'y vois rouge. Tant pis ça ira, tant qu'il y aura. Stigmate sur ma peau fine, mon amour à mort fine. Tu vois ça ira, tu vois ça ira. Aïe aïe aïe, on a tous un espoir. Entrer dans l'histoire. Mais sans l'autre on est quoi? Malgré la vie qu'on a, on a besoin d'y croire. Déjà vu, il n'y a plus rien à faire pour nous. Plus de glace, si tout est chaste. Il n'y a plus rien à faire pour nous. Sodomie, stigmate sous ma peau. Bouge, suis-moi quand j'y vois rouge. Ton amour sera, tant qu'il y aura toi. Stigmate sous ma peau fine, mon amour à mort fine. Tu vois ça ira, tu vois ça ira. S'approcher pour ne faire qu'un ici, ainsi soit-il.